Pepomas. Crapouni. 大大 ，Why don't you say hello？Saurais me faire ça. Quel bruit, quel bruit. C'est ratamatatata. L'air, c'est... Attends, il faut que je coupe ratamatata parce que... Comment dire, tu nous fais chier en ukrainien. Будь ласка. Перепрочуй, будь ласка. Будь ласка, стоп. People mass, ma che passa? Bon, je crois qu'on va changer de serveur. Dutje diakui. Ça veut dire merci beaucoup. Je parle toutes les langues.